pas nécessairement méchant. Ils ont juste trop de conscience. C'est Jésus les croisait sur la rue. Il leur dirait: venez à moi, mes brebis perdues. Mais Jésus est mort. Homme, femme, drame, pique-pique et concangrame. Homme, femme, drame, pique-pique et concangrame. Les drogués, ils sont pas nécessairement stupides. Ils sont juste pas très moraux. Si Dieu les croisait dans un sauna, il leur dirait: qu'est-ce que vous faites là? Homme, femme, gramme, pique-pique et concangrame. Homme, femme, gramme, pique-pique et concangrame. Les drogués ne sont pas nécessairement méchants. Ils ont juste trop de conscience. Si Jésus les croisait sur la rue, il leur dirait: venez à moi, mes brebis perdues. Mais Jésus est mort. Homme, femme, drame, pique-pique et concangrame. Homme, femme, drame, pique-pique et concangrame. Homme, femme, drame, pique-pique et concangrame. Homme, femme, drame, pique-pique et concangrame. Femme, drame, pique-pique et concangrame. Yeah.